pour faire un son c'est pas facile. Ouais j'suis sérieux, tu fais le mec en place mais en vérité. Négro t'as rien parlé franco, dites-moi les roms. Si j'essaierai ma voix résonne dans mon quartier. Ça me rend heureux, y'a pas d'eau, fais le tour de la ville. Gros y'en a marre, j'attends mon poteau, il met toute sa vie. J'sais pas ce qu'il fout et j'dis tant mieux si j'vous mets bien. Pour les frères à Belle Roche qui m'écoutent de loin. Soutenu dans le 26, j'connaissais même pas. Omega NRS, ça tape sous Raptor. Ça enroule un gros, ça finit gazé. Y'a pas de sous, pas de mise, j'veux pas me caser. Si un jour j'suis bien, j'irai voir ailleurs. Tout le monde la connaît, elle a plus de valeur. J'ai pas tourné en rond dans mon secteur. J'fais rien toute la journée. Nique sa mère, le procureur, libérez mon gros, ça fait des années. Ça tourne en rond dans mon secteur. J'fais rien toute la journée. Nique sa mère, le procureur, libérez mon gros, ça fait des années. On donne le shit sans parano. Tu dis que tu riche, tu voyages 7 fois par année. Moi j'suis à la tête, regarde ce que j'vis, c'est pas marrant. Le foot ou le son, moi j'fais ce que j'peux pour m'en aller. Pour les rats des terres qu'ont un vécu comme des Bertos. Pour ceux qui trempent pas quand y'a la croix, c'est dans le rétro. Avant j'étais où, j'me montrais pas, j'étais sur déco. Aujourd'hui j'suis là, j'suis le porte-parole de mon ghetto. J'suis chaud patate, j'suis tous les jours avec Bibi. Même la BHP me dit qu'ils s'en battent les clés, oui. Ouais j'suis à la puce, que j'ai en tête, vous savez pas. Tant que j'aurai la fille, j'ferai des sons, j'm'arrêterai pas. Wesh tu veux un feat ou tu veux un tête? J'ai trop la dalle, j'suis comme un pit devant un steak. En vrai j'm'en fous, j'prends une instru, j'fais comme je veux. J'rappe pour ceux qui vivent, pour tous ceux qui sont malheureux. Tu me dis que ça va, mais en vérité t'en as pas l'air. La vie c'est dur comme trouver un poteau sincère. J'me méfie de tout, si j'réussis faut pas m'envier. Et même quand j'ai rien, j'demande où elle, où j'vais pas manger. Des années. Ça tourne en rond dans mon secteur. J'fais rien toute la journée. Nique sa mère, le procureur, libérez mon gros, ça fait des années. Ça tourne en rond dans mon secteur. J'fais rien toute la journée. Nique sa mère, le procureur, libérez mon gros, ça fait des années. Ça tourne en rond dans mon secteur. J'fais rien toute la journée. Nique sa mère, le procureur, libérez mon gros, ça fait des années.